Chapitre 37. Page 249. Exercice 4. 1. Je plains mon voisin. Il est âgé, mais doit s'occuper de son épouse, qui est vieille et très malade. C'est vraiment très dur. 2. Après des déboires électoraux, cet homme politique a été complètement oublié. Plus personne ne parlait de lui. Et finalement, il est revenu sur le devant de la scène et a retrouvé sa place. 3. La mère de Madeleine traverse une période difficile en ce moment. 4. Ce grand reporter, qui a été envoyé au milieu de conflits armés, a vécu des épreuves et des aventures assez dures. 5. Les cerfs-volants est le titre du dernier et très beau roman de Romain Gary, qui s'est suicidé juste après l'avoir écrit.